C'est tranquille ce matin dans le bulletin de sport local. On va ouvrir quand même le bulletin de sport local en parlant que les Sabres de Robertval dans la Ligue de hockey junior régional ont cédé Félix Larouche au Marquis de Jonquière, obtenant en retour François Perron. Et en même temps, ils ont réclamé au balotage Émile Gagnon des Saguenay de Chicoutimi. L'instructeur-chef Jason Lajeunesse a mentionné sur les ondes de danazosport.com qu'on va faire un virage jeunesse chez les Sabres cette année. François Perron, là, c'est un première année junior. Donc, on rajeunit encore notre équipe. Là. Après ça, au repêchage, on a repêché un défenseur, Émile Gagnon, du Coutimi. Encore une fois, c'est un 1927, un deuxième année junior. Dans notre formation, là, on ne se comptera pas de m'abris. Là, j'ai 16 joueurs âgés hein, de 18 ou 19 ans là, dans mon équipe. Donc, c'est sûr que c'est difficile. On est jeune. Mais nous autres, on croit à l'avenir là, à Robertval. C'est vrai là qu'on s'en va. C'est plate pour le moment, mais... Donc, comme, vous avez comme ça qu'on... pour ça. Maintenant, on va parler de hockey simple. Il y avait quelques matchs qui nous intéressaient encore dans les différentes ligues. Dans le Midget B, gagne les Sabres de Robertval 8-2 sur les Éclaireurs d'Alma. Et dans le Midget B également, les Monarques de Saint-Ambroise ont défait les Éperviers de Normandin 3-1. Et les Éperviers ont gagné 5-3 sur les Olympiques de Chicoutimi. Et la 25e soirée du Super Bowl aura lieu à Alma. Ça va avoir lieu à la cage au sport. Et c'est sous la présidence d'honneur de André Bolduc des Alouettes de Montréal que sera présentée cette activité. Bonhomme allant, le comité va toujours chercher 10 000 $ qui est remis au football local. Et il en coûte 35 $ pour participer à cette soirée. Et évidemment, ça donne le droit à une consommation. Les billets sont en vente. Au sein du conseil d'administration. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec Jason Lajeunesse des Sabres de Robertval. On a également parlé avec Stéphane Lebeau, où on fait le bilan de la saison de la mi-saison du Canadien de Montréal. Hugo Maltin vient nous parler de la semaine du hockey mineur à Robertval. Et également, Olivier Chartier vient nous expliquer son projet de voyage en France. On sait que lui et son groupe d'Alma vont aller l'an prochain en France, et on tente d'amasser de l'argent pour les jeunes qui veulent participer à cet événement. On sait que ça coûte 2000 $ par jeune pour participer à ce voyage. Sport local et régional, à danradiosport.com, on s'en occupe.